Je me souviens pas, non. C'est toujours la Ligue des Champions. Je m'abstiendrai donc. Le son. Bâton d'Anguirou numéro 22, spécial science-fiction ce soir, docteur. Et oui, bonsoir chers auditeurs. Une fois n'est pas coutume, nous allons nous plonger dans le futur ce soir avec une émission de Des Bâtons d'Anguirou avec une thématique science-fiction, comme vient de le dire mon cher acolyte Manuel Amor, qui officiera ce soir au micro en compagnie de notre dispositif habituel, notre ami Brett, bien sûr, Magic. Au commentaire d'un match dont on vous parlera tout à l'heure. Une absence à déplorer ce soir, celle du shérif qui malheureusement n'a pas pu prendre l'avion, ou plutôt la machine, à avancer dans le temps. Et deux invités de prestige, de piliers de cette émission en quelque sorte. Ils reviennent. Nous avons nommé, je vous laisse Manuel les présenter, Luc Gendeur et Fernand Fernandez. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Alors on va commencer en musique, d'habitude, et puis après on donnera le sommaire de l'émission. Bien sûr. Allez, c'est parti, musique. Bonsoir de nouveau, chers auditeurs. Re-bienvenue sur Radio Galère, 88.4 à Marseille et aux alentours. Bonsoir de nouveau, docteur. Bonsoir, mon cher Manuel. Vous m'accompagnez ce soir en plateau. Bien sûr. Brett, pour l'instant, est en régie, puisque la technique nécessitait sa place là-bas, mais il va revenir en plateau avec nous juste après. Le temps pour nous de dévoiler à nos auditeurs le sommaire de cette émission. Très très attendu, j'ai un peu sondé sur la canebière cet après-midi, on nous attend au tournant. Oui, le public est brûlant, effectivement, si Brett est en technique, ce n'est pas pour rien. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, ce soir, nous aurons l'occasion de nous plonger dans le football du futur, dans cette science-fiction qui nous permettra peut-être de comprendre ce que sera le football de demain, pour mieux comprendre le football d'aujourd'hui. pour ce faire, bien sûr, ces deux invités prestigieux vont nous accompagner, mais surtout, en filigrane, je crois qu'il y aura un dispositif assez spécial, puisque Magic a été envoyé, comme d'habitude, sur ce terrain, Magic est actuellement au stade de la flaque solaire, figurez-vous. Un stade qui a une capacité de 82 000 spectateurs et qui, je crois, ce soir est comble. Pour une rencontre très attendue entre le Sporting Club de Trelles et le FC Desailleurs. C'est une rencontre très attendue dans le championnat intergalactique dans lequel s'est plongé Magic toute cette semaine. Une fois de plus, votre machine à voyager dans l'espace spatio-temporel, docteur, lui a permis de se rendre à ce stade de la flaque solaire, dans lequel on va le retrouver dans quelques instants. Oui, ce qui s'est passé, c'est que lors de la dernière émission, qui était bien sûr une remontée dans le temps, comme tous les auditeurs s'en souviennent, il y a eu quelques désagréments, notamment le shérif qui n'avait pas bien respecté les consignes de sécurité au sein de la machine. Magic s'étant très bien comporté, finalement, il a été élu par ses pairs pour pouvoir nous commenter ce match. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de place la dernière fois, d'ailleurs, notamment puisqu'il y avait un troisième invité. Mais ce soir... c'est reparti, donc peut-être qu'on va, aller voir... Alors avant ça, on va juste énoncer un petit peu le sommaire à nos amis. On va parler de littérature ce soir avec notamment le fameux Greg Egan, ainsi que Stefano Benni, et avec nos deux invités ce soir qui vont aussi lire de leur production science-fictionnelle footballistique. Et puis on va aussi un petit peu parler, je vous laisse poursuivre, docteur... Ce qui va se passer, c'est que, bien sûr, en filigrane, Magic. Autre élément important, bien sûr, une lecture du diabolique Fernand Fernandez, qui fulmine déjà de renouveler son exploit de la précédente émission. D'autres thématiques, bien sûr, un Luc Jandeur, tout en retenue, mais tout en saveur, hein, qui va nous permettre de discuter un petit peu d'art contemporain. On verra. Puisqu'apparemment, la science-fiction boude un petit peu l'art contemporain. Voilà, d'après le petit sondage qu'on a fait en amont de cette émission. Mais... Et on va aussi parler un peu d'innovation technologique, si le temps nous le permet, cher docteur. Je vous propose d'aller voir Brett très très vite en régie. Brett qui voulait nous donner un petit peu la température de ce match un peu particulier ce soir et nous faire un petit peu le résumé de ce qui se passe. Brett, vous nous entendez en régie ? Oui, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez, vous ? Bien sûr. Oui, alors j'étais du coup jusqu'il n'y a pas très longtemps avec Magic parce que le fameux stade de la flaque solaire se trouve dans la ville d'ailleurs. Et dans la ville d'ailleurs, s'est tenue la conférence de presse du président du club, du Sporting Club de Trelles. Alors, je ne sais pas si vous pouvez placer la ville de Trelles sur une carte. Non. Il y a des cartes galactiques qui le permettent, oui, bien sûr. Oui, bon, je crois qu'il n'y a pas tant besoin d'une carte galactique. Je crois que c'est dans le Doubs. Ah. Ouais, je crois. Très bien. 25. Donc voilà, nous étions donc dans la ville d'ailleurs avec Magic, nous sommes allés voir le à Trelles, oui, avec AS. Oui, deux LES, oui. Ville réelle. C'est bien, cher Brett, hein, vous savez, parce qu'on est en régie, qu'on ne doit pas avoir une élocution parfaite dans cette émission. Je vous en prie. Pardon. Donc qu'est-ce que je disais, nous étions donc dans la ville d'ailleurs, avec Magic, nous sommes allés boire un verre au bar d'ailleurs, nous avons fait une pause au cinéma d'ailleurs, un petit match de foot... Les jeunes d'ailleurs, non ? D'ailleurs, et les jeunes d'ailleurs, bien sûr, on a vu tout ça. Et donc on a surtout écouté la conférence de presse donc de Mathieu Messagier, qui est un poète, mais qui est donc aussi le président du Sporting Club de Trelles. Est-ce que vous voulez entendre le... Mais bien sûr. Alors là. Si vous vouliez nous faire l'honneur de nous résumer cette conférence de presse. Ben bien sûr, je vais vous faire les questions et je vais vous faire les réponses aussi de la conférence de presse. Est-ce que ça vous va, on y va ? Parfait. Donc première question. Vous venez de communiquer l'équipe type de la 11e journée qui affrontera le football club des ailleurs sur la pelouse de la flaque solaire ce soir. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? S'agit-il de concéder le nul ou de l'emporter ? Réponse. Tous les sports s'estompent dans la mémoire du lit malade. Question. Contre le no-nothing racing club, Piero Manzoni était monté dans l'axe en planche de surf. Est-ce utile de risquer une nouvelle fois le carton ce soir ? Réponse. Je pense que la Nouvelle-Guinée devrait gagner. Elle possède les meilleurs esprits de la forêt. et Manzoni me semble bien seul en face, malgré toutes ses immenses qualités et son socle d'extase à deviner. Et j'ajouterai, toutes les finales de Coupe du Monde s'appellent 3-2 après prolongation. Question, comment votre milieu va-t-il s'articuler ? Est-sud-ouest, avec pétales d'horizon, où les rideaux diront l'antique soupir des yeux qui se portèrent sur la tunique de Jésus-Christ, puis, beaucoup plus tard, sur le maillot de l'équipe de Forbach dans les années 50. Question. Moselle. Quid de Murnau ? Pris de vin, il semble plus en jambes que jamais. Allez-vous réitérer le tandem fameux avec un best chargé à l'absinthe du Val de Travers ? Georges a passé toute la nuit à jouer au snooker avec une petite fille qui a perdu l'usage de ses jambes à la bataille de Marignan à Saint-Marcande. Verra-t-on le vrai visage de W.C. Fields ce soir ? On peut vivre une vie entière en un seul matin doux, mais aussi Todd Browning est probablement un des seuls cinéastes à n'avoir jamais joué avec la pellicule. Sur la feuille de match, Presley et Schwitters ont rappelé le freestyler Dolphy, toujours aussi étincelant à l'aile. Quelle sera votre parade ? Ravivez les tensions entre les oniromancies du grand anaconda vert de l'Amazon et les danses spirituelles du cachalot et du calamar géant. Pensez-vous que le sol tue l'attaque, qu'un jeu aérien soit préférable devant Gesualdo et Piranèse ? Cherchez la fève. Parlons transfert. Uma Sumac a bien failli céder aux sirènes de l'express inutile en retard. L'offre de coach Fernando Pessoa était pourtant substantielle. Une barrière de corail rose et ce rêve d'opium sur les hauteurs de São Pedro de Alcantara. Comment arrivez-vous à contrer l'exode de vos meilleures individualités ? Les fleurs de la fumée, mon cher. Les fleurs de la fumée. Voilà bien la seule réponse à l'allégorie moyenne des fins commerces de tir et des triades vernaculaires de l'oubli. Question. Jacques Vacher a sorti une performance énorme contre l'Olympique GT Cigare, et pour une fois sans pistolet d'ordonnance. Serait-ce définitivement le number one ? Réponse. Peut-être. Mais n'omettez pas les ultimes voyages parnassiens en alcoolie de Pangea United et de son étrange et subtil capitaine Al Brown. On va peut-être arrêter la conférence de presse ici. Je vous propose bref, du coup, de retrouver Magic tout de suite au stade de la flaque solaire pour le début de cette rencontre. C'est ce que je vous propose. Oui, moi je n'étais pas contre écouter un peu plus, mais c'est pas grave. C'est notre choix collectif. Le temps presse un peu, je crois, et le match a dû déjà démarrer, me semble-t-il. Magic, vous l'heure nous entendez, et le ballon Magic tourne. Allô, est-ce que vous m'entendez ? On vous entend moyennement, la liaison est... Allô ? Oui, ah allô, oui, Marseille, voilà, est-ce qu'on m'entend ? Oui, oui, c'est bon. Oui. C'est bon, Magic. Oui, j'ai le retour, c'est bon. Bonsoir à tous. J'espère que nous n'avons pas trop tardé pour nos téléspectateurs. Je suis ce soir au Stadium de la Flaque Solaire, fabuleux stade de près de 85 000 spectateurs. Le stade est comble. Il fait très beau ici à la Flaque Solaire, avec un temps idéal pour jouer, avec beaucoup d'humidité, mais un temps à 21 degrés. Tout va très bien. Monsieur Buster Keaton a sifflé le coup d'envoi de la rencontre il y a quelques minutes, donc entre le Sporting Club de Trelles et le Football Club des Ailleurs. Ce match, eh bien, figurez-vous qu'il est primordial pour les deux équipes qui sont en quête de la première place, synonyme de qualification pour la Rugby Baby Cup des clubs champions. Chacune des deux équipes reste, c'est incroyable, sur 18 matchs sans défaite en championnat. À noter en particulier le retour aux affaires de Jacques Vacher en qualité de portier inébranlable du Sporting Club de Trelles. Rappelons que sa dernière vraie rencontre a été disputée contre l'Olympique GT Cigare il y a pas mal de temps de cela. Que vous dire, nous jouons la 18e minute de jeu. Je peux peut-être vous résumer un petit peu ce qui s'est passé pour l'instant. Il y a eu à la 3e minute un petit corner de la partie, le premier corner de la partie pour le FCA, et c'est Grégory Corso qui avait réussi à dégager le danger. À la 12e minute, le FCA reste bien en place, laissant l'initiative aux Trélois, et l'attentisme stratégique des hommes de Leigh Bailey, Dolphy et Cirque ratissent en milieu de terrain, et ça a duré jusqu'à la 14e minute. Bon mouvement du Sporting Club, 1-2 entre Field et Manzoni, et ce dernier, Manzoni, décale Garincha qui trouve la barre transversale alors que Digne était signalé hors jeu. Voilà pour les principales occasions qu'il y a eu dans ce match, toujours 0-0, et nous jouons là la 20e minute de jeu. Je ne sais pas si on peut encore continuer ou peut-être revenir un peu plus tard sur ce match. Oui. Pour l'instant, les deux équipes sont bien en place et le jeu a l'air d'être très équilibré et assez plaisant à regarder. Mais comme d'habitude, Magic, vous intervenez quand le besoin se fait ressentir sur le stade. Et puis, nous, eh bien, on va continuer l'émission en plateau avec Fernand Fernandez, tout simplement, notre premier invité. Ça vous fait, je crois, extrêmement plaisir, docteur, de revoir Fernand Fernandez, car n'oublions pas que Fernand Fernandez est membre et capitaine du Poète Football Club de Bâtons d'Anguillou, nommé capitaine par le sélectionneur Don Delillo. Exact. Et ça vous fait plaisir, ça? Oui. Oui, ça me fait plaisir de revoir Fernand Fernandez à cette table. Fernand Fernandez, quel poste vous occupiez déjà dans cette équipe? Vous étiez capitaine, mais un milieu défensif. Milieu défensif, ouais, ouais. Numéro 6 à la Deschamps, c'est ça? Je ne me rappelle pas très bien. On se rappelle, vous, Fernand, vous étiez devant la défense, hein, en sentinelle. Parfois que lors des meilleurs matchs, on est parfois des trous de mémoire, c'est arrivé à d'autres. On se souvient de Dondé, le sélectionneur, parfois pris dans un étau et lui aussi dans des difficultés. Bon. Il paraît que Chris Woodall a eu un gros blackout après un contact avec Baresi, après la finale de Paris. Comme quoi. Donc, notre ami Fernand Fernandez, donc je vais me permettre de lire la biographie. Une rapide biographie. Une rapide biographie, je vais vous donner une rapide biographie qu'on peut trouver sur tous les réseaux sociaux, au terme qui doit beaucoup plaire à notre ami Fernand Fernandez. Alors, Fernand Fernandez, rapport de production nul, efficience zéro, flexibilité des nefles, habite dans l'espace langue, est en congé pariétal à durée indéterminée, adore les petites biographies, en veut à votre argent, vos femmes, votre notoriété. Voilà Fernand Fernandez. Il est adorable, hein, on a tout de suite envie de lui donner la parole. Hein. Ce bon vieux Fernand Fernandez. Allez, c'est parti. C'est une honte. C'est tout ce que je me contenterai de Monsieur, de vous dire. Êtes responsable de votre notoriété. Voilà, Fernand Fernandez, peut-être qu'un double, qu'un sosie, qu'un malin usurpe votre identité, c'est ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. J'ai pas de répartie pour ça. Très bien. Par contre, vous êtes venu nous parler ce soir de littérature et de Greg Egan, cher Fernand. Alors, Greg Egan, en quelques mots, c'est un auteur de science-fiction australien qui est né dans les années 70 et qui est associé au courant hard SF. C'est-à-dire une science-fiction qui se base sur des connaissances scientifiques plutôt précises. Greg Egan fait référence à la physique, à la biologie, à l'informatique. Et ça donne lieu à des spéculations philosophiques, à des textes plutôt vertigineux, comme dans son recueil Axiomatique, où il s'interroge sur comment on peut continuer à définir le sujet humain au milieu de grands bouleversements liés à la technologie, comme être confronté à ces moi multiples dans une série d'univers parallèles infinis, se réveiller dans un corps et un lieu différents chaque matin, ce qui est peut-être pas très loin du compte. Je vais vous lire sans plus tarder un extrait de Garde-frontière, une nouvelle qui se trouve dans le recueil Axiomatique et qui décrit un match de foot quantique. La fonction d'onde apparaissait comme une vive lueur aurorale. Un plasma mercurial suffisamment brillant pour être bien visible au soleil de l'après-midi sans être éblouissant et sans occulter les joueurs qui le traversaient. Des bandes de couleurs représentant la phase complexe balayaient le terrain, s'écartant pour passer au-dessus de différents lobes de probabilité en croissance avant de heurter la limite et de rebondir, inversé, vers l'intérieur. Le match se disputait selon les règles les plus anciennes et les plus simples, semi-conventionnelles, non-relativistes. Le ballon était maintenu dans le périmètre du terrain par une barrière d'une hauteur infinie, de sorte qu'il était hors de question qu'il puisse s'échapper progressivement par effet tunnel au fur et à mesure de l'avancement du jeu. Les joueurs étaient pris en compte de façon classique. Leur mouvement faisait passer de l'énergie dans l'onde amorçant des transitions depuis l'état initial du début de la partie, avec le ballon étalé en couches minces sur l'ensemble du terrain, vers la zone des modes de plus haute énergie nécessaires pour le localiser. Mais l'état localisé était éphémère. Il ne servait à rien de former un joli paquet d'ondes bien nettes au milieu du terrain avec l'espoir de taper dedans comme si c'était un objet habituel. Il fallait modeler l'onde de telle manière que tous ces modes, dont la fréquence des cycles et la vitesse de déplacement différaient, entrent en phase pendant une fraction de seconde à l'intérieur même du but. Y arriver était une affaire de niveau énergétique et de minutage. Chaque joueur était responsable d'une série de modes, des harmoniques particulières de l'onde qu'il devait compléter, protéger ou réduire en fonction des besoins. Les 12 modes de Jamil avaient des cycles dont la fréquence variait de 1000 à 1250 mHz. Selon les règles du jeu, son corps avait été doté d'une énergie potentielle fixe et minimale qui écartait légèrement le ballon et permettait à différents modes de s'attirer ou de se repousser à travers lui. Mais s'il restait sur place alors qu'ils poursuivaient leur cycle, toutes les influences qu'il exerçait finiraient par être remplacées par leur contraire et l'effet s'annulerait tout simplement. Pour propulser l'onde d'un mode à un autre, il fallait bouger. Et pour la diriger avec efficacité, il était nécessaire d'exploiter la façon dont ils entraient ou non en phase les uns avec les autres. Pour soustraire à un mode de 1000 mHz et ajouter à un autre 1250, il fallait agir en synchronie avec le battement d'un quart de hertz qui les séparait. C'était comme de pousser une balançoire à sa fréquence naturelle, mais plutôt que de mettre un seul enfant en mouvement, on était debout entre deux sièges et on se comportait plus comme un intermédiaire, essayant de calculer ses actions de manière à accélérer l'un aux dépens de l'autre. On n'avait pas la moindre maîtrise sur la façon dont on agissait sur l'onde à un endroit et à un moment donné. Mais en changeant de lieu, juste comme il le fallait, on pouvait contrôler l'interaction. Une relation spatiale régulière définissait chaque paire de modes, comme le motif moiré formé par deux feuilles d'une matière tissée quand on les lève en superposition vers une source lumineuse et que l'ensemble passe du transparent à l'opaque selon que les interstices entre les fils s'alignent ou non. Taillé à travers ce paysage cyclique offrait un moyen parfait de suivre le rythme temporel qui les accompagnait. Jamil s'élança sur le terrain à une vitesse et à un angle calculé pour mener deux transitions favorables en même temps. Il avait évalué le spectre actuel de l'onde de manière instinctive en l'observant à partir de la ligne de touche. Et il savait, des modes dont il était responsable, lesquels contribueraient à un but ou en réduiraient la probabilité. Alors qu'il taillait son chemin à travers les chatoyantes bandes de couleurs, l'arbitre lui fournissait des informations tactiles pour compléter ses estimations et ses calculs visuels, lui permettant de percevoir la différence entre un tiraillement cyclique, un aller-retour qui n'aboutissait à rien, et la force douce, mais continuelle, qui indiquait qu'il chevauchait le rythme avec succès. Merci. Merci beaucoup, Fernand, de cette lecture. Donc, on le rappelle, de cette nouvelle de Greg Egan, qui s'appelle « Garde frontière », dans le recueil « Océanique », c'est ça ? Oui, qu'on peut trouver au livre de poche. Alors, chers amis en plateau, qu'est-ce que ça vous évoque, ce texte de Greg Egan ? Limpide. Limpide, limpide, on a vraiment l'impression, on a envie d'y être, hein, déjà. Là. Déjà que Magic nous a envie, nous a donné envie vraiment de vivre dans le futur. Moi, j'ai plus peur. Je crois que j'ai plus peur, j'ai envie de franchir le pas, j'ai envie de rentrer dans cette dimension, dans ce vortex, hein. J'habite pas loin d'ailleurs, donc ça va être un peu facile pour moi. Et vraiment, ça me séduit. Moi qui pourtant ne suis pas un grand amateur de science-fiction. Je suis désolé, je vois ces regards terribles, notamment Fernand Fernandez qui commence à souffler de la fumée du nez, là, il se mue en dragon, l'ami. Mais non, je suis désolé. Pourtant, ben, ce soir, j'ai l'impression que finalement, la SF, ben, c'est pas l'Afrique du Sud française, non, c'est aussi un domaine peut-être intéressant. La SF vaut toujours mieux que la SM, non, cher docteur? La SM est une très très belle voiture, une coupée de chez Citroën que j'affectionne particulièrement. Mais je ne suis pas d'accord. La science-fiction est sexuelle, donc. Et la physique quantique un petit tout autant. Très sexuelle la physique quantique. Luc, vous connaissiez Greg Egan, vous en aviez déjà entendu parler? Non, pas du tout. Mais de toute façon, on peut, au-delà de la science-fiction, on peut se poser toujours la question de savoir qui est-ce qui commente les matchs de foot. C'est-à-dire que nous, on est finalement plutôt habitué à entendre des commentateurs sportifs, mais si disons que le commentateur changeait de nature et devenait un physicien quantique, par exemple, il aurait probablement d'autres commentaires à faire. Et ce qui est assez étonnant dans ce texte-là, surtout, c'est son côté visuel, et malgré tout très abstrait. Il y a un commentaire du dernier match de rugby qui a soulevé les foules par un Gérard Klein, qui est un physicien sur le site de France Culture. On peut trouver un commentaire quantique par un vrai physicien. L'institut. C'est extrêmement intéressant, mais non, c'est vrai, en plus je dis ça sans rigoler, je ne connaissais pas ce truc-là, et Gérard Klein, pour moi, c'était plutôt un acteur un peu de seconde zone, voilà, mais j'apprends que c'est donc un... Oui. C'est un instit, non, Gérard Klein? Oui, tout à fait. Un instit de haute volée, tout de même. Oui, un instit quantique, comme on dit. Fernand, vous êtes venu également avec un texte à vous, qui, je crois, d'après ce que vous nous aviez dit dans nos correspondances d'avant-émission, traite de votre rapport à la science-fiction, et il me semble aussi que vous l'avez un peu customisé pour ce soir, pour le rapprocher un peu de notre préoccupation première ici, vous le savez, le football. Oui. On vous écoute, Fernand. L'une des hypothèses au sujet de l'apparition du football sur Terre est qu'il vient d'ailleurs d'une région du cosmos située au-delà de ma compréhension humaine, où il était tout plié sur lui-même avec les autres germes de la vie, et qu'il doit exister par conséquent d'autres formes de football parentes de la nôtre, ou bien basées sur autre chose que le sashimi du carbone. Aujourd'hui, la science-fiction, c'est la poésie. La science-fiction est partout, mais on ne s'étonne plus qu'un homme dans une grotte a un jour dessiné un bison, alors que celui qui replace 37 fois son couteau pour le mettre dans l'axe juste se retrouve sous inhibiteur de la fonction poétique et de la recapture du sens. La science-fiction, aujourd'hui, c'est comment ça tient le mot et la chose, le langage et la parole. La poésie est la vraie science-fiction parce qu'elle procède par à peu près en courbant l'espace-langue à partir d'un premier terme indicible duquel, à l'intersection de superficies nulles entre l'espace et le plan du possible, le vide émerge de la matière, pendant que les discursifs, qui ont aussi appris à tordre la langue, ne font que communiquer un message pour conforter la néologistique. Aujourd'hui, on cherche du football sur Mars, sur les lunes de Saturne ou de Jupiter. On analyse le rayonnement fossile du fond diffus cosmologique au détriment du fond diffus orgasmique, du gaz phonique difforme, du faux raffut, on dit gimmick, d'une fugace micro-orchide, du nom asthme qui fut difforme, du fumace corps de figue, du gaz sismique dit hors fondu, du corgaz au fond humide, des commissures d'aphides du gond, du geek face d'hormone, du gramophone du fisc, du cul d'origami, du son zzzz de feu, du kiff qui ramone fort l'idée fugue, d'une fougasse en forme de migue qui fondit, du fongique dimorphe, ça oui, du fond gras qui fuit du mot dick, das di kung fu de fourmigue, du fumidor di cagaz à donf, du mar de fion que fougus, du fado orphique FM assidu, du formica onde j'ai soif, du midas fornique son guf, du mafre sonique fondé sous digue, du phasme dorique fus nigo, du graphe maudit fond qui sue, du diaphragme suffoque d'une nose, d'une mycose à faune j'y rediffuse, du sac à gonfiture dose FMI, du fido quasi morgue fondu, du frima au fisque du gonze, du format soufique NDG, du foirage du don de smic fou, du zorg ionique mafusde, du ragot de fusion de Mike F, du fromage d'onde physique hi-fi, du sadium orgonique, du morgron sfogar mustrog, du zimurgad mars jurgen, du smorgronof du sucunul, du zimagor fanouka ou rosmogrouf de rogona. Bravo. Merci Fernand. Je crois que mon cher Brett, pour se remettre de cette lecture, nous allons écouter un petit morceau de musique. Brett, dites-nous de quoi il s'agit, s'il vous plaît. On va écouter un petit morceau de musique qui nous a été donc choisi par le shérif, mais qui, malgré son absence, tient quand même à s'occuper de la playlist. Et un petit morceau de Michel Delpech, qu'on aime beaucoup par ici, qu'on adore, qui s'appelle La femme de l'an 3000. Ça vaut le coup. Musique. Elle sera dans la tenue d'Ève et son corps ne sera plus cher. Mettra des vices à sa vertu pour qu'elle ne soit pas éphémère. Se promènera sous la pluie protégée d'un paratonnerre. Ne sera qu'un robot pensant en kilowatts ou en ampères. Sera muni d'un sexe à pile, mais n'aura plus de sexe à pile. La femme de l'an 3000, la femme de l'an 3000. Elle n'aura pas tes longs cheveux, ton doux regard, tes jambes fines. Elle n'aura pas tes grands yeux, tes longues mains, ta taille fine. Elle n'aura plus rien de tout ça, plus rien de toi. Mais qu'importe, qu'importe, puisque je ne serai plus là. Pas de veine au cœur, parce que son cœur sera de pierre. N'aura plus Dieu, mais des radars pour détecter les adultères. Elle aura des poumons d'acier pour s'évader de l'atmosphère. Ne fera plus jamais l'amour en deçà de la stratosphère. Sera munie d'un sexe à pile, mais n'aura plus de sexe à pile. La femme de l'an 3000, la femme de l'an 3000. Elle n'aura pas tes longs cheveux, ton doux regard, tes jambes fines. Elle n'aura pas tes grands yeux, tes longues mains, ta taille fine. elle n'aura plus rien de tout ça, plus rien de toi. Mais qu'importe, qu'importe, les hommes ne seront plus là. Les hommes ne seront plus là. Les hommes ne seront plus là. Merci Michel, la pêche. Donc j'étais ailleurs et maintenant je suis ici. Emmanuel est parti ailleurs après avoir été ici. Et on va retourner au stade voir Magic pour la suite de ce fameux match entre le Sporting Club de Trelles et le Football Club d'ailleurs. Et peut-être que Magic, vous pourriez nous donner la composition des équipes qui est quand même pas inintéressante. Oui, allô, vous m'entendez ? Pas très bien Magic. Pas très bien Magic. Est-ce que vous m'entendez mieux là ? Ça commence. Bah oui. Vous me demandiez la composition des deux équipes, c'est bien ça ? Bah ouais. Je vais vous la donner tout de suite. Alors, pour le Football Club des Ailleurs, eh bien, dans les cages, Jean Vincent. Arrière droit, Grégory Corso et arrière gorge. Voilà. Ovilon Redon. Dans la défense centrale, Esnin et Piranèse. Devant les deux défenseurs centraux, on a un arrière défensif qui s'appelle Hugo Coblet. Sur sa gauche, un fameux Douglas Sirk. Et sur sa droite, Eric Dolphy. Devant Eric Dolphy, donc sur le plan de l'attaque, Georges Best, évidemment. En numéro 9, Lucrèce. Et puis sur la gauche, Gesualdo. Cette équipe du Football Club des Ailleurs est entraînée par Archibaldo et le Sporting Club de Trelles est quant à lui dirigé par Elvis Presley et Kurt Schwitters, avec dans les cages Jacques Vacher, à gauche Vigo, à droite Murnau. La défense centrale est composée de Scott Walter et Léo Pardy. Devant la défense centrale, Manzoni veille au grain. Sur sa gauche, James Dean, évidemment, qui va à 2000 à l'heure. Et sur sa droite, Luis Souter. Dans l'attaque, on va retrouver le formidable Gaudi sur l'aile droite et à gauche, évidemment, Garincha. Et puis, tout cela est orchestré au milieu par Fields en numéro 9. Voilà pour la composition des deux équipes. Peut-être on peut continuer sur le match. Le match évolue sur un très bon rythme pour l'instant. Le premier corner a été tiré il n'y a pas très longtemps pour le FCA, mais Lucrèce avait été trop court. Le doublon Walker-Léopardi récupère et dégage en touche. Méchante altercation entre Vico et Gesualdo. Premier avertissement pour l'ailier aux gants noirs du FCA. Georges Best a finalement décidé de débouler côté gauche. Attendu une solution de dédoublement qui n'est pas venu et a tenté sa chance des 20 mètres. Son tir n'a pas inquiété Vacher qui a dégagé d'un coup de lime à ongle. Emily Dickinson a le ballon pour l'instant et en général il compense sa perte de vitesse par un très bon placement. Il récupère et lance la contre-attaque avec le tacle féroce de Manzoni qu'on a vu plus élégant. Monsieur Keaton laisse jouer. Voilà, très actif sur le flanc de l'attaque du SCT. Gaudi donne de bons ballons dans le dos de la défense des Ailleurs. Fields s'engouffre au point de pénalty et frappe. Jean Vincent anticipe et capte le cuir. Relance sur Joplin dont l'ahurissant jeu de tête compense quelques manques au sol. Très influente dans les diagonales, elle bonifie tous les ballons et se trouve sans mal avec Corso sur le front de l'attaque, excentré à gauche à 25 mètres du but. En défense, Louise Brooks tacle avec délicatesse et récupère pour Vacher. Voilà, longue ouverture là du gardien en direction de Coblet, signalé hors jeu. Ouma Soumak proteste contre toute attente. Monsieur Keaton laisse jouer. Belle action collective des Ailleurs sur une relance à la main de Vincent. Corso donne à Esnin qui relance Gesualdo dans la course. Ce dernier trouve Lucrèce dans l'intervalle et centre pour Dolphy qui fait dévisser la balle dans les tribunes. Sur la ligne de touche, Gesualdo trouve bas à la suite d'une intervention douteuse de Souter. Premier avertissement de la rencontre pour Souter. Gesualdo, à l'origine de toutes les actions chaudes des Ailleurs, effectue un bon décalage pour Best qui reçoit la balle au dos, la fait passer d'un rebond par-dessus Léo Pardy, pivote, dribble, arme à l'angle de la surface et trouve le poteau. Le public exulte, très beau mouvement en ce moment en triangle, côté gauche, Dolphy serre Lucrèce, Lucrèce, Dolphy, Dolphy serre Lucrèce qui centre en retrait pour Dickinson. Best ajuste Gesualdo du plat du pied au point de pénalty, mais belle détente de Vacher qui veille et qui capte le ballon. Et voilà que c'est reparti en contrat, 3 contre 5. Le Sporting Club de Trelles ouvre le score. Vigo serre parfaitement Dean qui prolonge sur Brooks. Celle-ci affiche un bel équilibre dans tous les compartiments du jeu et régale son public d'un geste de grande classe en s'extirpant de la tenaille. Redonne Joplin. Son jeu de jambes déstabilise Calamity. Affole Snin est au-delà du raisonnable pour trouver Garincha. Et l'attaquant contourne Piranèse. Dribble la défense, feinte comme un chat. S'avance un cran plus haut du point de pénalty face à Vincent et lobe du pied gauche un magnifique but. Et la clameur est inouïe ici dans le stade. Et embrase ce fameux stade de la flaque solaire. Le match va reprendre, donc 1-0 dans ce match. Le rythme est en train de s'emballer. Nouvelle offensive déjà. Garincha de nouveau aux 25 mètres. Boit l'obstacle et tente la frappe. Jean se couche et capte le cuir sans difficulté. Contre-attaque des ailleurs. Lucrèce file au but. Léo Pardy effectue un bon retour et tacle au moment de la frappe. Calamity est la faute dans ses 18 mètres. Nouveau corner pour les ailleurs. Cirque s'en charge sans effet. Contre-offensive rapide menée par Manzoni. Le pressing de Trelles oblige les ailleurs au recul. Centre de sous-terre. Sous-terre au premier poteau. Jean dégage rageusement en touche. La tension est partout manifeste. Sur le banc de touche, Archiboldo croque un poireau. Elvis devient électrique, balance les talons, laisse prendre une main, agite une jambe. La sueur coule sur les franges. Witters craint une bourde de Fields qui ne cesse de mettre en retrait sur Vacher. Manque flagrant d'inspiration dans ce match. On lui reprochera de n'avoir pas osé prendre les clés du camion. Énorme occasion là pour Trelles. Le FCA a placé son bloc offensif beaucoup trop haut. La force de percussion de Calamity plombée d'un des plus grands hors-jeu de l'histoire du football n'empêche pas Leander d'accomplir son tacle. Elle dégage une grande aisance en couverture défensive. Elle a pris très bien le couloir droit et montré un vrai sens de l'anticipation dans sa remontée. Un sans faute jusqu'à Garincha dont les slaloms épuisent trois milieux pour trouver Gaudi. Gaudi à droite dans la surface. Ce dernier lui remet en retrait. Mais le Brésilien ouvre un peu trop son pied. Le ballon passe hors cadre. Clameur dans les tribunes. Corner dangereux pour les ailleurs. À l'angle de la surface, James Dean. James Dean enveloppe sa frappe, obligeant le Men in Black décidément très sollicité à une méchante parade. 45e minute de jeu. Gesualdo accroche Murnau. Second avertissement pour le prince de Venosa ganté de noir. Et voilà, l'arbitre vient à l'instant de siffler la mi-temps. Trelles mène donc 1-0 dans un match très animé, très équilibré, il faut le dire, et surtout très riche en rencontres. Voilà pour ce qui est du match ici au Stadium de la Flaque Solaire. À vous, les studios. Super Magic. Très beau match. Et nos auditeurs ont pu remarquer qu'entre les feuilles de match et ce qui se passe réellement sur le terrain, il y a quand même des joueurs qui changent un petit peu, mais c'est ça aussi ce que nous permet la science-fiction, docteur. Oui, c'est vraiment remarquable. Moi, je suis très très content de cette machine. Je suis très content aussi de mon client, un Magic, hein, qui fait le boulot, et ça fait vraiment plaisir. On comprend bien que le ballon, autant que les différentes identités sont réparties sur tout le terrain en même temps et constitue la fonction d'onde du ballon, et que le travail des joueurs consiste à réduire ce paquet d'ondes pour faire entrer le ballon dans le but. Personne ne veut contredire, Fernand. Ah non. Surtout pas. Ah non, surtout oui, pas il paraît qu'il y en a que 4-5 en France qui ont compris les cantas. Apparemment, vous en êtes. Il y a Fernand Fernandez, et ça fait plaisir d'avoir des invités de cette qualité. En gros, grosso modo, quoi. Comme on dit. Déjà, ça fait plaisir. Manuel, vous êtes de retour. Vous étiez ailleurs, mais vous êtes ici. Voilà, tout à fait. Vous aviez réglé la machine parce que effectivement, il y avait des problèmes de souffle. Hein, ça saturait un petit peu, non? Un petit peu, mais on a remis un peu d'huile, oui. En fait. D'accord. Même ce genre de machine a besoin. Ah, ça a l'air d'un peu saturé encore un petit peu. Un peu de mécanique. Mais tout va bien, je crois, maintenant. Très bien. On peut donc continuer tranquillement cette émission. On peut passer à l'art contemporain, hein, peut-être. On a toujours des problèmes quand on dépasse la vitesse de la lumière. Il y a des fois. Ah, ça, on a vu ça il y a 15 jours, c'était des pas facile. Perte de maîtrise, pas toujours évidente à gérer. Ouais. Et puisque vous avez pris la parole, mon cher Luc, eh bien, vous allez la garder, puisque nous vous avions chargé, peut-être un petit peu prétentieusement, hâtivement, disons. Au débeauté, de nous indiquer un petit peu des exemples de liens entre le football et l'art contemporain. Pardon, des liens entre le football et la science-fiction dans les arts plastiques. Mais il apparaîtrait que les exemples soient rares, mon cher Luc. Les exemples sont rares et je dois avouer aussi que je voulais en profiter finalement de votre invitation ici pour faire ma promotion. Ah, coquin. Alors, comme n'importe quelle star du music hall québécois. Et parler du fait que je monte une exposition d'art contemporain qui s'appelle Ubique à la galerie Achaud. Donc justement, la thématique principale est un esprit de science-fiction qui serait tiré du romancier Philippe K. Dick. Donc en gros, je vais donner trois citations qui donnent à peu près l'esprit général, dont deux de Philippe K. Dick. Donc, la réalité objective n'est que le produit d'un raisonnement destiné à formuler l'universalisation hypothétique d'une multitude de réalités subjectives. Donc ça, c'est Philippe K. Dick dans La fourmi électrique. Une pulvérisation invisible du bic et vous bannirez la crainte obsédante, irrésistible, de voir le monde entier se transformer en létourné. Donc ça, c'est dans Ubik. Et la dernière, c'est « On conçoit généralement la science-fiction comme la tentative d'imaginer des futurs inimaginables, mais au fond, son sujet n'est peut-être autre que notre propre présent historique. Autrement dit, ce futur utopique s'est révélé n'être que l'avenir d'un moment de ce qui constitue désormais notre passé. » Donc ça, c'est extrait du livre de Frédéric Jameson, « Archéologie du futur 2, pensée avec la science-fiction ». Alors ce qui est assez drôle, c'est que... Philippe K. Dick a dénoncé Jameson au FBI comme étant un fieffé marxiste, sachant qu'il a peut-être peu apprécié les critiques littéraires du même Jameson à l'encontre de ses livres. Et que Philippe K. Dick lui-même suspectait d'être l'objet d'enquête. Il a été approché plusieurs fois par. On lui a demandé. Le FBI est venu le voir notamment pour surveiller et dénoncer l'activité communiste d'une de ses épouses. Mais au final, en fait, il a consulté son dossier qui était assez maigre. Oui, non, mais il était très ambigu. De toute façon, il a été dénoncé et il a dénoncé. Il avait un rapport un peu paranoïaque, disons, avec le FBI. Mais c'était l'Amérique de l'époque qui voulait ça. Et je pense aussi le fait qu'il était quand même... Philippe K. Dick, dans sa tête. Et qui pensait que l'Empire romain n'avait pas pris fin, et qu'il appartenait à une tribu de chrétiens résistants à l'Empire romain. Que signifie le K dans K. Dick ? Kindred, c'est son deuxième prénom. Non, pas Kinder. J'avais, docteur, souvent pratiqué le jeu Philippe K. Dick a dit. Il me semble. Bien sûr, oui. Bien sûr. J'ai quelques victoires comme au quiz dans le jeu Philippe K. Dick. Luc, on vous laisse continuer. Oui, jeu de supermarché, ici, c'est un tout autre niveau. Donc, voilà. Donc, rendez-vous à partir du 25 juin à la Galerie Achaud, 25 rue Fontange, dans le 6e arrondissement de Marseille. Alors, on pourra y voir vos œuvres et des œuvres d'autres artistes. Voilà, j'ai invité donc, à participer Damien Yabouik, Rémi Bragard, Alexander Grub. Il y aura aussi une œuvre de Monica Struder et Christophe Vandenberg de la collection de l'espace multimédia Gantner. Et il y aura aussi des livres de Robert Laffont, une participation du studio Gonzo qui fait des mangas, et un peu du journal Le Monde, et le Frac Centre qui participe en ne participant pas. Voilà. On l'en remercie. Brett, un mot pour présenter Luc Jondeur à nos auditeurs, puisqu'on l'a assez peu fait. Si nos auditeurs suivaient, nos auditeurs connaissent déjà fichtrement bien Luc Jondeur, puisqu'il est déjà venu au moins une fois, si ce n'est pas deux. Deux fois, poésie et art contemporain. Il a fait ces deux belles émissions qui étaient parmi nos plus belles, certainement. Et qu'est-ce qu'on peut dire de Luc Jondeur, hormis ses activités professionnelles qu'on taira peut-être, mais c'est un... C'est un commissaire écrivain, poète, artiste multicasquette, Luc. Et il est aussi membre du Poète Football Club, donc il occupe le poste d'arrière gauche, tout simplement, sobrement, mais de manière très efficace, docteur. Vous l'avez vu jouer récemment. Oh oui, bien sûr. Nous avons eu l'occasion, nous avons un peu maille à partir avec ce Poète Football Club il y a quelques semaines sur notre terrain fétiche de Bougainville, et bien sûr, nous avons rencontré un sérieux client, la personne de Lucho, comme on l'appelle, sur le terrain. Et Luc, vous êtes venu avec, également comme Fernand, un texte à vous qui collait parfaitement au thème de l'émission. Donc là, mon texte s'emploie finalement à parler donc de foot et de science-fiction, et de science-fiction et de foot, en prenant le mot science à la fois dans son côté technologique, mais également dans son côté sciences humaines, parce qu'il y a dans la science-fiction aussi une capacité à pousser des logiques des sciences humaines, de la sociologie, de l'anthropologie, et de les exacerber jusqu'à arriver à des situations particulièrement terrifiantes. La science-fiction peut donner de nombreuses anticipations sur le foot, à commencer par résoudre la question des rapports sexuels avant le match. J'ai des amis qui jouent au foot le lundi après-midi, bourrés d'énergie et d'hormones, d'un flux et d'agressivité. Et heureusement qu'on rigole bien, car ils ont fait abstinence tout le week-end pour être au top au moment du match amical. Eh bien, l'avenir nous réserve sans aucun doute de bonnes surprises pour leur libido. LSF nous montrera la voie sociopolitique du coït anti-stress du sport, parce que la science-fiction est avant tout du mojo, comme le disait mon voisin Fernand Fernandez. Il faut avoir la foi quand on parle de science-fiction, tout autant qu'il faut avoir la foi quand on parle de football. Donc, je rappelle, il y a une série, un dessin animé pour enfants qui s'appelle Galactic Football, je ne sais pas si... Oui. Voilà, avec, dont les héros sont les Snow Kids, dont finalement l'un des moteurs de jeu est, je ne sais plus comment ils appellent ça, le fluide ou quelque chose comme ça. Voilà. Qui n'est pas sans rappeler cette question d'un flux, hein. J'ai vu ça aujourd'hui, j'ai découvert ça, et donc c'est bien une question de fluide. Ouais. Et voilà, et le shérif, s'il avait été présent, souhaitait nous parler de cette série de dessins animés dont il est extrêmement fan. Oh, il regarde tous les jours, je crois. Alors, bon, la première image de science-fiction qui vient à l'esprit quand on associe donc football et science-fiction est facile et évidente, un peu couillonne. C'est celle d'un monde futuriste totalement fantastique et impayable, un conte de fées où les femmes aiment le foot. La seconde est tout aussi caricaturale, d'une vulgarité moelleuse avec de grosses ficelles métadiscursives, mais il y a toujours une forme de plaisir animal féroce et puéril à jouer du mauvais esprit. Donc c'est parier sur la grossièreté, une désolante et ennuyeuse valeur sociale, et pourtant elle est en hausse coutumière dans sa cotation en bourse. Donc parlons de management. La société moderne manifeste une évolution de plus en plus individualiste. Donc c'est pas moi qui en fait le procès. On veut croire que le destin de chaque être modèle la société. On veut croire à notre niveau cellulaire social que l'on compte pour quelque chose, au moins pour un. On veut croire qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on est bien au minimum un interprète. Bon, un discours de sociologie psychanalytique parlerait sans doute de refoulement de l'identité quelconque par la peur de la faillite collective. Au football, on appellerait ça jouer perso. Alors l'individualisme ne s'oppose pas à la société, il crée simplement au niveau de l'individu le sentiment d'une identité et d'une place centrale. Donc la personne autosuffisante s'inscrit dans le cours du monde. Jouer perso est de l'ordre des règles courantes entre l'analyse sportif et la parano. Donc si on applique ce schéma d'anticipation sociale aux règles du football, donc de liberté individuelle, indépendance, coolitude, s'affranchir de la conscience collective, réussite et épanouissement personnel avant tout, on imagine donc des matchs dans le futur, avec toujours 22 joueurs, mais également avec 22 ballons, donc chacun le sien, ça paraît logique. Et alors que fait-on des arbitres? Soit ils nuisent au libéralisme du jeu et seule l'audience tient le rôle de juge et de garant des lois, donc on fait appel à la vidéo et on multiplie le nombre de caméras par 22. Soit on part de l'hypothèse notoire que la société évolue dans une forme de contrôle de plus en plus assurée et on embauche 22 arbitres par match, si possible des policiers à la retraite. Alors je passe vite fait sur le récit d'un monde de guerre froide où les arrière-gardes anticulturels et anti-foot prennent le pouvoir, interdisent le ballon en cuir, les crampons carrés, les protèges tibias galbés et imposent le chess-boxing comme seul dogme de compétition sportive de la masse culture. Donc le grand cirque du cerveau qui s'agite sous les blitz, low kick, fianchetto, uppercut, gambic, ball punch, tsukvang et KO, c'est la philosophie par le marteau et le jeu. On se tape la tête à tout va. On bascule à mort dans l'idéologie du retour du refoulé et le complot du rationnel. Donc la rationalité, quand on parle de science-fiction, elle fait l'effet d'un coup de poing. Parce que la réalité, donc à travers aussi la science du mot science-fiction, elle a toujours été là, c'est même le fond du problème. Mais bon, revenons au foot. Donc le contexte géopolitique est donc totalement et totalitairement révolutionné. Les stars du ballon rond ravaleront leurs paillettes et leurs trahisons sociales. Les supporters et leurs slogans craignos s'entreront dans la résistance. L'économie bradera ses impératifs d'exploitation de la figure humaine. Le football n'est pas qu'un impensé ludique, il joue sa partie avec la société. Son temps est toujours compté en deux fois et il peut perdre avec la fin des utopies. On collectionnera alors les figurines Panini comme on collectionne les fossiles et autres bois flottés abandonnés sur la grève par le Rostec de l'histoire. Mes amis et moi jouerons la nuit dans des parkings désaffectés, habillés comme des ninjas du Royaume des Ombres. Nous serons des délinquants avec des crampons en plomb. Et sinon ailleurs, des brigades anti-foot du FBI chargées du démantèlement des équipes de soccer auront aussi pour mission de traquer des cybervidéos de matchs sur Internet. Seules les images du coup de boule de Zidane sur Materazzi seront tolérées comme légales. Les maillots de l'OM, tricotés au noir sous des tentes afghanes, seront vendus sous le manteau dans l'obscurité des porches du panier. La pelouse du vélodrome sera pavée de rings et de jeux d'échecs, mais dans ses travées résonneront toujours les traditionnels Paris on t'encule, dans une version plus adaptée au chessboxing, Paris on t'encule et mat. Donc en conclusion, la science-fiction se doit de faire le guet. Donc sinon, vous parlerez de la RoboCup, donc je ne lirai pas ce que j'avais fait dessus, mais l'enchaînement que j'ai fait dessus. Donc quand l'ingénierie de l'artificiel vivant se sera développée et que la transgénèse électronique sera une chose courante dans la vie de chacun de tous les jours, les mathématiques permettront de piloter les joueurs sur le terrain. Chacun aura un ordinateur embarqué, connecté à une intelligence artificielle. Il y aura un eye goal, un eye défenseur, un eye meneur de jeu, un eye ailier, etc. Le gardien de but pourra calculer et analyser en temps réel toutes les probabilités des trajectoires de tir. Donc, soit dit en passant, on sait statistiquement que le plus grand nombre d'arrêts est fait par des gardiens qui restent immobiles au milieu des cages, sauf que c'est beaucoup plus mal vu par les autres joueurs pour un goal de ne pas bouger que de prendre des buts. Donc sinon, il faut avouer que la vision d'un football dopé à la technologie, où c'est la course à la biorobotique programmée, est un des récits futuristes du sport les plus ordinaires. Les joueurs deviennent des androïdes, des hommes qui valaient les 3 milliards, des athlètes cybernétiques qui seront intégrés plus tard à des exosquelettes mécanisés pour finir par piloter des armures robotiques qui permettront de jouer sur tous les terrains, sur toutes les planètes possibles. Au bout du compte, quand on aura compris que les robots ne sont pas seulement là pour tenir compagnie à nos vieux abandonnés dans les maisons de retraite, mais aussi pour être nos remplaçants, les hommes seront définitivement troqués contre des machines avec une condition physique de champion à toute épreuve, des robots plus performants, doués du sacrifice ultime. L'être humain sera alors couvert de capteurs de mouvement sur tout le corps et réduit à la fonction de télécommande. Les ballons embarqueront de l'électronique et seront soumis à la démocratie, c'est-à-dire au hasard, et comme une sorte de loto-géant, car le public décidera en temps réel, grâce à ses bioportables, de la trajectoire de la balle. Donc gauche-droite, gauche-droite. C'est l'opinion publique qui décide du sort d'un pénalty. Donc c'est là une construction hyper-médiatisée de l'avenir du football, poussée à son paroxysme d'entertainment. C'est une perspective satirique très cliché. C'est le programme de télévision, ou une autre matrice à connexion rétinienne, ou une autre télépathie numérique de l'époque qui transmute le monde. Seul ce qui est diffusé existe. Donc les sportifs sont déjà formatés par les médias, car c'est les médias qui distribuent les rôles de la comédie humaine moderne. Mais imaginons qu'ils le deviennent littéralement de zéro à l'infini. Toute la règle n'est plus alors qu'une question de négociation. Aurait-on alors besoin que les footballeurs soient réels ? Le virtuel n'est-il pas ce qui devrait faire rêver aujourd'hui entre deux bières ? Donc bon, je passe sur ce que la chimie peut faire pour nous. Le Tour de France va commencer et c'est une ébauche de récit de science-fiction qui débute avec lui. La chimie donc les robots aussi, jusqu'à ce que la génétique prenne véritablement la place qu'il attend en ce monde et dans l'évolution de l'espèce humaine, à suivre le cours naturel de l'histoire et que le fruit de nombreuses manipulations anthropotechniques nous produise des équipes de mutants humanoïdes super apprivoisés, fleurons de notre future société à la génétique libérale et éclairée. L'humanité sera une sorte de zoo extraordinaire de post-humanisme responsable. Donc on aura des footballeurs améliorés, dopés à l'ADN, génétiquement modifiés, des FGM, optimisés pour l'amour du sport, encore plus forts que nos footballeurs d'élevage bien domestiqués. Ils s'affronteront comme des démons jusqu'à moriturite et salutante dans des stades du terrain surchauffés où le public perverti lèvera, abaissera ou sucera son pouce. Le sélectionneur d'une équipe nationale sera un bon génie en génétique quantitative, un roi de la stratégie du phénotype, au lieu d'être un retraité comme aujourd'hui. Le problème sera éthique, celui de l'identification par les humains naturels, non pas des surhommes, mais à cette race de surfootballeurs. Je rappelle que le foot est porteur de valeurs humaines, de fair play, d'éducation et de fiscalité, et que nos idoles sportives sont des modèles et de l'opium pour la jeunesse. Donc on imagine dans des laboratoires où on fait jouer au foot des spermatozoïdes dans des éprouvettes pour aller planter un but dans un ovule, pendant que des chercheurs en blouse blanche font la hola. La génétique deviendra tellement pointue que l'on pourra choisir la couleur du maillot de son bébé dans un catalogue lardoute de chromosomes. Le mot « normalité » n'aura plus de sens, les discours fascistes vont devoir être mis à jour. Donc sans faire de biomoraliste, il faudra faire le choix sacrificiel entre le spectacle et l'humanisme. Donc ça, tout ça, ça fait rêver, mais ça va quand même plus loin que le simple clonage, où on imagine aisément 11 Zidane jouer contre 11 Beckham. Le clonage, il faut être réaliste, c'est petit joueur pour la science-fiction. Puis on mélange le tout, mutant contre robot, alien contre cyborg, la science-fiction invente la grande partouze des espèces, car on se dit que l'utopie de foot n'a pas de limite. Dans une version plus apocalyptique, le football cesse définitivement d'être une activité de gentleman hédoïste et perd son, jusqu'à son aura de loisir pour finir en viol symbolique dans la rue. Non pas comme une pute borgne, mais comme prolongation du champ de bataille entre gangs. Donc football soumis aux lois de la rue, foot contact et blood ball réunis, street foot battle où tous les coups sont permis. Les lignes du terrain coïncident avec les frontières des quartiers et des zones d'influence. Des empreintes de crampons à tous les coins de rue définissent les territoires, gravées dans la peau même du macadam. Le foot, un jeu de domination, une métaphore de la guerre qui met à nu et cristallise tous les clivages sociaux. Mais en fait, peut-être qu'on prendra un virage vert, avec des terrains complètement acide green, un foot bio responsable, un retour au naturel, aux rapports humains authentiques et au développement durable, où les footballeurs joueront gratuitement en plein jour, totalement nus et les poils huilés, avec un ballon, non pas en cuir parce que c'est de la peau d'animal, mais peut-être en soja, sur une pelouse en jachère tondue par des moutons, ou alors dans la boue, parce que la boue, c'est le rêve d'un retour à la terre originelle. Et les gens viendront acclamer les joueurs, et les remplacements se feront avec les tribunes, car nous, le public des amateurs, serons tous des remplaçants. Il sera interdit de compter les buts, car la société aura fait le choix du plaisir ludique contre celui du désir de l'emporter, d'être le meilleur, de se placer au-dessus des autres. Donc la vilaine de querelle de clocher devient une coopération radieuse. La victoire est celle de l'amitié gratuite, de l'harmonie gracieuse et de la transpiration sincère. Le défi est collectif, contre-culture, hypermarxiste, hippie-aura. Donc la pratique du primitif du sport envoie directement à la genèse de nos civilisations, ce que fait aussi la science-fiction, elle nous renvoie directement à la genèse de nos civilisations. Mais ici, le plus grand terrain de foot, c'est notre planète Terre. Et dans un rêve un peu fou, on prend l'univers à témoin, le Big Bang pour le coup de sifflet de l'arbitre qui lance le début du match. Et les galaxies s'affrontent dans une compétition aux règles astronomiques et quantiques. Le ballon est un soleil et les buts sont des trous noirs. Merci beaucoup Luc de cette démonstration. On vous applaudit ici en plateau. Brett, je vous propose de retourner voir notre ami Magic. Ben oui, je crois que Luc a réglé le problème du foot et de la science-fiction, je crois. Je pense. Fernand Fernandez, un petit truc. Ah oui, Magic. Ici, est-ce que vous m'entendez ? La deuxième mi-temps est bien entamée, non ? Oui, elle vient de commencer pour l'instant et pas de changement à signaler du côté des deux équipes de retour sur la pelouse avec les meilleures intentions. Presley et Schwitter se donnent leur dernière consigne à Vigo et Vaché pour le sens de l'unité. L'inutilité théâtrale, pardon. Celui-ci, Vaché, s'est affublé d'un complet serpillière vert d'eau. Très vite, Piranès lance Esnin. Le russe contrôle et frappe dans la foulée. Très belle détente horizontale de Vaché qui dégage en corner. Le corner ne donnera rien. Coblet tire son coup de pied de coin au deuxième poteau. Confusion dans la défense des Trélois. Accélération de Lucrèce dans le rond central qui passe pour Cassadi. Le filtre défensif s'avère bien vite inefficace devant la Mountain Girl qui éclaircit la surface et combine en 1-2 avec Kesswaldo, l'ancien joueur de Naples, feinte et passe en retrait pour Souter. Souter qui arme une frappe cyclopéenne et trouve la lucarne. Vaché étouffe d'un souffle, c'est le but, l'égalisation, la liesse dans le camp des ailleurs. La flaque solaire prise d'épilepsie, Ledbelly exulte, Archibaldo s'envoie un poireau. Et c'est reparti, les deux équipes reviennent le ballon au milieu. Et c'est reparti, 63e minute de jeu déjà. Méchant contact dans la surface de réparation du FC Trell. L'Ayorez, Calamity, laisse traîner ses crampons sur la cuisse de Sumac. L'arbitre ne bronche pas. Nouveau corner, va chez Deboul. Loupe sa sortie et s'accroche avec Sirk. Contre toute attente, l'arbitre siffle. Faute contre Dolphy, engagé nulle part dans l'action. Immense bronca dans la tribune nord. G de Canet et Pétard. 69e minute de jeu, Vacher dégage le ballon sur Fields qui cesse d'accumuler les approximations et trouve Sumac dans l'axe avec le culot typique des Sud-Américaines. Elle a volé son pied gauche à Maradona, contourne Dickinson qui couvre trop bas et ose un tir des 40 mètres qui frôle l'exploit. La balle percute et fait trembler la transversale. La troisième fois dans ce match, clameur, pétard et fusée dans tout le stade. Nous arrivons à la 74e minute de jeu, corner. Calamity trouve la tête de Lucrèce montée aux avant-postes, mais Vacher sort le ballon d'une claquette. Corso accroché dans la surface par Vigo. Monsieur Keaton, l'arbitre, ne bronche toujours pas. On se demande ce qu'il peut bien faire sur le terrain. Sur la ligne des 16 mètres, calmement, Vacher tire sur sa pipe d'opium. Très belle ouverture là de Scott Walker en direction de Manzoni, mais Piranèse rivalise de vitesse et couvre le ballon pour laisser filer en 6 mètres. Voilà, nous jouons donc la 80e minute de jeu et un partout pour l'instant entre les deux équipes. Le match reste toujours très très serré et on se demande véritablement qui va pouvoir l'emporter s'il devait y avoir victoire ce soir. Ici, le Stadium de la Flaque Solaire, à vous les studios. Merci Magic, magnifique commentaire. Fernand Fernandez, je voulais vous interroger sur le texte de Luc, mais on a été avalé par la fougue de Magic. Oui. Vous voulez dire quelque chose ? J'ai l'impression que la science-fiction a bien sûr porté un commentaire sur la société, sur le progrès technologique. Mais que finalement, avec l'aspect anticipation de l'avenir, c'est plutôt secondaire et que ça tient davantage au langage et aux limites de ce qu'on peut imaginer. Le cyberespace, par exemple, c'est une invention de William Gibson, qui est un écrivain de science-fiction avant... ce qu'on appelle maintenant le cyberespace, c'était au départ une machine littéraire qui était une sorte de moteur d'écriture. Il ne savait pas très bien de quoi il parlait quand il parlait de cyberespace, mais ça lui permettait d'écrire de la fiction. Bah, disons quand même, chez Gibson, son imaginaire de la matrice, finalement, est quand même empreint des Grecs. C'est un peu le logos de Platon. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a le monde des idées, le monde des mots, le monde de la parole, qui est un petit peu situé au-delà, finalement, du monde des hommes. Et finalement, lui, dans son imaginaire, la technologie permet justement des modes de connexion avec justement des mondes qui sont d'une nature radicalement différente au monde physique. Ce que permet également l'imaginaire. L'imaginaire étant finalement un des moteurs de connexion entre de l'humain et du concret, avec des choses qui sont d'un ordre complètement autre. L'impression que j'ai, mais qui est peut-être, je sais pas, très personnelle et qui peut paraître technophobe, alors que c'est pas peut-être complètement le cas, c'est que... Justement, j'ai l'impression que la virtualité en ce moment a besoin, qu'elle est politiquement davantage au meilleur endroit dans des activités qui favorisent l'imaginaire, justement, que dans les outils. C'est-à-dire que pour ce qui est de la littérature, dans les moteurs, davantage que dans les moteurs de recherche. Voilà, bon après c'est une phrase qui se vaut, c'est une idée qui se défend. Manuel, on enchaîne sur quoi? Je buvais les paroles de nos deux invités. J'étais tout simplement subjugué par la hauteur du débat que nous atteignons ce soir. C'est pas si souvent, faut bien le signaler. Tout à fait. Mais Luc Gendeur parlait dans son texte justement de la RoboCup, et il me semble que vous avez quelque chose sous la main. Alors en fait, tout à fait. C'est vrai que je me suis penché un peu pour cette émission sur quelques innovations techniques et technologiques pour le foot du futur. Et avant d'en venir à la RoboCup, j'ai trouvé quand même quelques beaux trucs, notamment pour les vêtements, les maillots, les chaussettes, les shorts des footballeurs du futur pourraient être, par exemple, munis de capteurs qui seraient utiles pour les arbitres, c'est-à-dire que les arbitres pourraient ainsi recevoir les informations de on va dire, l'ampleur de l'impact d'un joueur sur un autre et pouvoir ainsi dire s'il y a faute, s'il y a carton jaune, s'il y a carton rouge, voilà. Il y a aussi des choses comme des capteurs dans les chaussures des footballeurs qui permettraient de donner un ensemble de statistiques sur son état, sur son évolution pendant le match, et même une invention qui pourrait peut-être voir le jour aux alentours de 2050, c'est-à-dire l'Active Skin, qui serait de pouvoir fixer des capteurs vraiment directement sur la peau pour avoir en direct des données sur l'état physique des joueurs. Et à ce moment-là, l'entraîneur pourrait voir, comme dans les jeux vidéo actuels, voir les courbes chuter et se dire qu'on pourrait remplacer tel joueur par un autre, voilà. Le ballon aussi, le ballon pourrait être un ballon lumineux qui pourrait s'allumer dès qu'il franchit une ligne, et donc la ligne de but, et ainsi on pourrait avoir savoir avec certitude s'il y a but ou non. Ce ballon pourrait s'appeler le Cetrus, a priori, dans les années à venir, les problèmes étant d'équiper les stades de ces systèmes, ça a l'air un petit peu coûteux. Et peut-être même, donc j'en viens à la RoboCup, mon cher Luc, qu'en 2050, les robots pourraient remplacer les hommes sur les terrains de foot, et ce sont les objectifs, a priori, de la RoboCup. La RoboCup, ça existe depuis 1997, avec donc un objectif simple, qui est, tout en évidemment stimulant la recherche en robotique, c'est de monter une équipe de robots qui pourrait battre une équipe d'humains. Championne du monde, ouais. Soyons précis. Genre en Espagne. Par exemple, actuellement. Alors, on a deux petits sons que la technique va nous envoyer. Ce sont deux écoles d'ingénieurs qu'on va écouter et qui nous expliquent un peu ce qu'est pour eux la RoboCup. Bonjour, je m'appelle Jossi et je représente l'équipe de RoboCup de l'Université Laval. RoboCup, c'est une organisation internationale compétitive qui a pour but de reproduire les performances humaines à l'aide de robots. Nous sommes un regroupement d'étudiants de divers domaines de l'ingénierie, principalement électrique, informatique et logicielle. Notre but, construire une équipe de robots qui joue au soccer intelligemment et rapidement à l'aide d'une intelligence artificielle que nous allons développer. Voici notre robot, il est entièrement autonome, il décide de son propre chef ce qu'il va faire. Il peut prendre plusieurs positions, comme la place du gardien de but, un défenseur ou un attaquant. Il décide de même, comme une équipe, quel rôle il joue. Donc désormais, le robot joue le rôle d'un défenseur, il doit donc défendre son but. Il va toujours suivre la balle, mais ne va jamais la prendre. Il sera toujours entre le but et le ballon. Cela peut sembler un peu ennuyant, mais c'est très important qu'il le fasse, sinon l'autre équipe peut marquer beaucoup de buts contre nous. La Coupe du monde de robots a un but, celui de battre les champions du monde humains de football en 2050. Donc nous avons entre 30 et 40 ans pour y arriver, et ainsi proposer des robots qui marchent, des robots qui sont capables de faire une tête, des robots qui font un amorti de la poitrine, et ce sera ainsi comme un vrai être humain. Gonna be and feel and look like a real human. Oui, Fernand, des robots vicieux qui taquent par derrière. C'est ça que vous voulez voir dans le futur. pas forcément ce que je veux voir. Bah non, si le robot est parfait, il doit être capable aussi de transgresser les règles. Si, c'est ça la vraie perfection. D'être un vicelard, donc. Voilà. Ben voilà, justement, c'est là où on peut en venir avec cette idée de est-ce que c'est possible, est-ce surtout que, s'il veut battre l'Espagne. Est-ce que c'est possible pour battre finalement, l'Espagne, il faudrait être vicelard, oui. Mm. Quoique. Pardon, Manuel. Ben non, mais en tout cas, pour l'instant, on en est loin. Et il y a peut-être aussi un élément qu'il est difficile de. Et là, on va parler un petit peu plus football, peut-être. Qu'il sera difficile pour ces concepteurs de robots de reproduire, c'est cette notion d'intelligence collective. Cher docteur, une notion qui vous est chère. Bien sûr. Je pense que c'est vous qui l'avez inventée, non ? L'intelligence collective, bah, disons que j'y ai mûrement réfléchi. Effectivement, je pense que les concepteurs de robots vont achoper sur ce problème-là, ce problème de l'intelligence collective, qui fait que chacun en fait, agit en fonction des autres. Chose qu'il est très très difficile de paramétrer, notamment par ce langage vaguement binaire. Et bon, moi, ça me plaît quelque part que cette bonne vieille humanité puisse encore longtemps, contrairement aux échecs peut-être, comme disait Lucho tout à l'heure, mais rivaliser avec l'intelligence artificielle. Très beau, docteur. L'intelligence collective, chers invités, qu'est-ce que ça vous évoque ? Bah, disons, moi, je pense que la conception d'une machine... Elle va au-delà de la conception d'un simple robot. C'est-à-dire une machine peut être composée d'un ensemble de robots. Donc je pense qu'en fait, une équipe peut être une machine. Et de ce point de vue-là, je pense que même l'homme peut... De toute façon, l'homme, il a toujours été dépassé sur beaucoup de choses par des machines. Il suffit de... Enfin, une calculette, par exemple, est vachement plus forte en calcul qu'un être humain. Et donc je pense que ce sera malgré tout faisable. Pour l'instant, La RoboCup, ça reste encore des grands enfants qui font mumuse avec des jouets, mais on ne sait jamais. Hein, si. Il me semblait qu'il y avait quand même un homme qui était plus fort qu'une calculette, c'était Dustin Hoffman, non, dans le film Rain Man, je crois. Pas la chance de connaître ce film. Oh, un film excellent, comme vous le... Je n'en doute pas, je crois que c'est avec François Hollande dans le rôle-titre, c'est ça, Rain Man, non? Certainement, certainement. Ou un grand chef indien qui s'appelle Rain Man aussi, Rain in the Face. Non, moi, concernant pour revenir sur cette robotique, je trouve que l'intervention de notre ami Lucho était très intéressante, effectivement. Quelle est la part de machine qui se cache dans l'être humain ? Ça, bien sûr, il fallait le souligner, c'est Lucho qui l'a fait. Qui d'autre pouvait le faire ? Fernand, peut-être ? Pas forcément. Pas forcément. Bon, en tout cas, pour illustrer tout ça, on a pris un extrait d'un film qui s'appelle Football, Intelligence Collective, qui est un documentaire de Jean-Christophe Ribaud, qui a été financé par le service public audiovisuel, hein, tout simplement. On peut souvent compter sur lui, finalement. Et on va vous en passer un petit extrait qui parle également de la RoboCup. Le système est plus que ces éléments. On peut justement insister sur le fait que la simple agrégation des comportements individuels des composants ne permet pas d'inférer le comportement global. En mathématiques, on va parler de principe de superposition. C'est-à-dire que je vais additionner les comportements individuels. Et par cette addition des comportements individuels, j'obtiendrai le comportement global. Eh bien ça ne marche pas. Le tout est plus que la somme des parties. C'est-à-dire qu'à partir d'éléments simples, dotés de règles élémentaires, on a un comportement global complexe. C'est ce comportement global complexe que l'on appelle une émergence. L'objectif est touché. Il ne faut pas perdre de manière. L'intelligence peut-elle émerger d'interactions basiques ? Les joueurs sont-ils des exécutants robotiques ou conçoivent-ils l'ensemble du système pour décider en toute conscience ? l'efficacité des systèmes collectifs interroge les programmeurs de la Robocop. Chaque équipe a une stratégie particulière. Certaines équipes ont des robots totalement autonomes qui travaillent ensemble selon le principe de l'émergence. D'autres équipes disposent d'un contrôle central qui commande les mouvements de tous les robots. Les situations possibles au cours d'un match sont si nombreuses qu'on ne peut pas dire au robot dans telle situation tu fais ci, dans telle situation tu fais ça. Il y a trop de possibilités différentes pour tout envisager et dire à chacun ce qu'il doit faire. Donc, il faut mettre au point des procédures d'apprentissage et de répétition pour que chaque robot apprenne à jouer au football. Mais malgré les procédures d'apprentissage automatisées et la précision de l'ordinateur central, l'émergence d'une stratégie collective reste encore exceptionnelle et nous interroge sur les avantages du vrai footballeur. Le comportement humain a l'avantage d'avoir la perception globale de la finalité de son acte. Or, ici, le robot n'agit pas en fonction de la finalité, c'est-à-dire n'agit pas pour marquer des buts. Il ne fait que réagir à des comportements élémentaires. C'est pour ça que je parle d'un comportement qui paraît intelligent, parce que le résultat global est similaire à ce que l'on ferait si l'on avait cette conscience, mais il n'est pas réellement intelligent, puisque il ne sait pas ce qu'est un goal, il ne sait pas pourquoi il est là, il n'a pas conscience de lui-même. L'addition de comportements robotiques ne semble pas suffire pour constituer une équipe de football réellement compétitive. Une véritable équipe de football doit composer avec des joueurs doués d'une volonté. Voilà, cher Brett, c'est le moment de conclure avec le docteur peut-être. Bien sûr, parce que c'est l'heure de la chronique du docteur. On est un petit peu pressé par le temps, c'est ça que vous vouliez dire, Manuel. Il faut. Mais j'ai l'impression. On a commencé en retard notre émission, donc on s'en excuse auprès de Cradiophonie qui nous suit. On pensait du coup manger un petit peu et puis avancer comme d'habitude. On va quand même finir avec 2-3 choses qu'on a à dire pour que l'émission tienne debout, notamment la chronique du docteur. Tout à fait. On va vous révéler un petit peu le subterfuge de la flaque solaire qui est à l'origine de l'émission. Ça sera important de le faire. Et puis, nous clôturons avec peut-être, à la place de la musique, une interview. Qu'est-ce que vous en pensez, Manuel ? À vous, cher docteur. Oui, bonsoir. Alors, ce soir, je vous ai... Enfin, ce soir, ce n'est pas ce soir que je l'ai rédigé. C'était ces dernières semaines, puisque je n'ai pas été très disert ces dernières semaines. Je me suis concentré sur cette chronique intitulée « Chronique quantique de l'olive et de l'atome ». Dans la lointaine Königsberg, Immanuel Kant, sommeillant cette fin d'après-midi prussienne mais printanière, sous l'arbre ployant de sa pomme d'Adam, se prit à songer à quelques agapes mûrement méritées. Point de sérénette, bosse, cop ou gala poussant sous ses cieux ténébreux, mais d'un apéritif exotique de kémia, si le mot ne choque pas, d'olive d'Alaxa et de tome de Savoie. Regina Dorothea, mère du jeune Immanuel, ne l'entendait pas de cette oreille-là. Trop occupée à sa télé, elle proposa au jeune paria de partager son canapé. Sur le petit écran couraient moins des enfants que des géants, sans horizon ou bien trop ronds. Le terrain, d'habitude si droit chez nos amis allemands, dépassait ce soir-là sérieusement l'entendement. Des kilomètres séparaient les cages des gentils de celles des mauvais. Dorothea n'en avait cure, mais Immanuel, par cette courbure, réalisa à premier pas que l'atome, loin d'être de sa voix, venait de Fukushima. Que la ligne droite était désuète, que les Nippons seraient champions à la place des Teutons. Dans un soupir désespéré, Immanuel tourna la tête. Goba tout d'un son anisette, sans voir au fond qu'une olivette obstruerait bientôt sa luette. Ainsi prit fin ce beau cantique, ce futur tube cathodique, qui de Kaliningrad à Alaxa, dit qu'au Valhalla, sans barbiturique, sans barbitunique. Eh bien, c'est très bien tout ça, cher docteur. Merci encore une fois de votre production. Je vous On va juste faire un rapide retour au stade pour voir vraiment les toutes dernières minutes du match avec Magic, voir ce qui s'est passé dans cette fin de deuxième mi-temps et pour le score final, sans doute. Magic ? Oui, vous m'entendez ? Oui, Magic, allez-y. Nous jouons là les dernières secondes de ce match. Et toujours un partout dans ce match. On est dans les arrêts de jeu à 13 secondes de la fin du temps additionnel. Pressing et relance de la charnière centrale. Dolphy Colby, Sirk. Jean part efficacement le tir de sa jambe malade démarquée au second poteau. Fields lève les bras de désolation. La balle rebondit très haut. Garincha prend l'avantage sur Dolphy dans la lutte aérienne. Contrôle, passe Esnin, essouffle Piranes. Ferraille avec Calamity, déséquilibre Corso et file droit au but. Devant l'ange noir, la joie du peuple arme un tir brossé qui propulse le ballon sur le poteau. Brooks récupère et prolonge sur Garincha, resté au point de pénalty. Le Brésilien réussit et son retour n'est acrobatique et signe un météore en pleine lucarne et but. La flaque solaire explose. Elvis spasmodique encourage l'hystérie. Schwitters fait la roue. Et écoutez, figurez-vous que Monsieur Keaton, l'arbitre de ce match, siffle à la fin de la rencontre. Et voilà, donc sur une victoire, Vaché là dans les bras de Murnau, Vincent et Poussette, sa blue cap, le taulier infernal n'a pas démérité cette fois. Il n'a pas pris les clés du camion et passe du à côté de son match. On regrettera la faute non sifflée de Calamity sur Sumac. Best et Garincha ont rejoint les hordes de Cariocas. Archibondlo trace un mandala de légumes au point de pénalty sur la pelouse de la flaque solaire. Ici, une confusion hallucinée règne entre les deux équipes à charge de revanche, donc aucune des deux n'ayant hypothéqué ses chances pour la finale. Score final donc 2-1 pour le Sporting Club de Trail qui l'emporte ce soir. Ici le stadium de la flaque solaire, à vous les studios. Merci Magic pour cette belle fin de match au stade de la flaque solaire. Beau stade. Très beau stade de 82 000 places. Brett, il est temps de conclure et de dévoiler le poteau rose à voilà, nos chers auditeurs. Tout à fait. Donc le poteau rose, le superbe poteau rose, c'est qu'en fait ce match qui vous est commenté par Magic est en fait un match écrit par Malek Abou, qui est donc un poète. C'est un match qui a pour origine un texte de Mathieu Messagier, donc le président du Sporting Club de Trelles. Équipe de foot fictive, bien sûr. En fait, l'équipe montée par Mathieu Messagier a donné lieu à un ouvrage qui s'appelle Un paralogue futural, qui est édité aux éditions Impeccables, dont on salue Valérie et Marie, si je ne me trompe pas. Très beau travail. Et leur très beau travail. Ils sont plusieurs à éditer, mais en fait, voilà, tout est parti de ce livre, donc de la composition d'équipe qui a été donnée au départ par Magic. Et en fait, à partir de cette composition d'équipe, un échange épistolaire a eu lieu entre Mathieu Messagier et Malek Abou. Donc, qui est parti de cette conférence de presse dont j'ai lu une partie, de ce match. Et après, il y a des longs textes et poèmes de Mathieu Messagier. Il y a l'intervention de Michel Bulto, qui écrit un très joli texte aussi. Il y a Jacques Ferry. Et voilà, c'est un très bel ouvrage. On aurait aimé en parler un peu plus longtemps. Mais il y a des fanions de club dessinés à l'intérieur. Enfin, c'est un beau bouquin, Manuel. Eh bien, on va écouter, je crois, pour se quitter, et pour passer la parole à l'émission suivante, un petit morceau de... Ça fera la transition du paralogue futural par Abou et Bulto, une petite mini-interview. Voilà, tout à fait. Bonsoir. Qui avait lieu à la salle des machines du Marais de la Friche. Non, je tiens, tout à fait. Nous étions pas nombreux, mais c'était bien. On remercie nos invités, Luc et Fernand. Bravo et merci à vous. Et puis, on vous dit à dans 15 jours pour la dernière émission de l'année. Exprès. Le fait est que Mathieu Messagier, un beau jour, a créé les équipes imaginaires sur le papier. Il les a mis sur un terrain. Donc ça a donné lieu à un dessin qui ensuite a été publié en couverture d'une revue qui s'appelle Football, une revue de poésie. Et j'ai appris que Mathieu avait fait ça parce qu'il m'avait envoyé donc, la revue avec la couverture. Et j'ai trouvé ça assez amusant, assez intéressant. Et à la suite de ça, je lui ai retourné par courrier le film du match imaginaire, de cette équipe imaginaire. Je me revoyais à 12 ans, 10 ans sur le stade, à la Porte d'Orléans, regarder les petites équipes amateurs jouer. Et c'est ça que j'essaie de mettre dans ce livre. C'est vraiment songé au départ comme un équivalent de ce qu'a pu être l'album Panini. Et moi, je me souviens que les meilleurs joueurs, par exemple, de la AS Saint-Etienne, que je supportais avec ferveur en 74-75, il me manquait toujours Rocheteau et Piazza. Donc là, j'ai voulu mettre Piazza, préparé cette espèce d'arcon. Je suis revenu à ces équipes-là en 2011, quand précisément l'éditeur des éditions Impeccable, Christophe Bélien, qui est aussi poète et musicien, et c'est lui qui nous a demandé, mais pourquoi ne pas en faire un livre? C'est-à-dire que nous, on avait tout ce matériau, nous l'avions de part et d'autre dans des espèces de boîtes en carton, dans des chemises, et on s'est dit, bon, peut-être qu'on fera quelque chose avec ça un jour, mais on n'était pas du tout hanté par la chose. Au départ, l'origine de cette conversation épistolaire qui avait été menée à deux, comme ça, pour les peut-être 10, 15 premières pages, et ensuite on s'est dit, bon, il faut peut-être organiser, puisque de toute façon, de toute évidence, on va faire entrer Michel Bulteau et Jacques Ferry sur le terrain. Donc il faut aussi qu'il y ait quelque chose qui fonctionne de manière équilibrée. Et on s'est mis à réfléchir à la place des images, à la place des écussons. Est-ce qu'il fallait mettre les écussons avant la présentation des équipes façon Panini ou le contraire? Donc on a eu des petites réflexions là-dessus qui sont d'ordre, on va dire, esthétique aussi. La poésie, elle est là, quoi, elle s'affirme et elle donne une espèce d'ampleur. Qui est une espèce de poussée vers le haut, quoi, je pense, qui élève le livre aussi. C'est pas simplement un désir de croiser la poésie avec le football, ça va plus loin. En même temps, on voulait quelque chose qui soit léger aussi. Mais je pense que la poésie a directement à faire avec ça, avec la légèreté et la profondeur. Et si en plus elle peut être anti-littéraire, comme elle l'est, j'espère en tout cas dans ce livre-là, c'est parfait.